fait bi fait. Tonton bi fait, tanti bi fait, bi fait bi fait. Mami bi fait, papi bi fait, bi fait bi fait. Mon enfant.